Was war ich doch für ein unschuldsvolles Mädchen? Muttis Nesthäckchen, Vatis Augenstern. Und ins Geschäft braucht man mich nicht oft zu nötigen. Tat schwere Arbeit, doch ich tat sie gern. Wegen dir habe ich meine gute Stellung bei Schmitz aufgegeben. Wegen dir, wegen dir, wegen dir, mein Freund. Wegen dir trat ich nur das glitzernde, sündhaftes Leben. Wegen dir hab ich heiß geweint. Wegen dir vertauschte ich Nadel und Zwirn mit dem Lippenstift. Wegen dir lernte ich fließend Französisch und lateinische Schrift. Wegen dir habe ich meine Bestellung bei Schmitz aufgegeben. Wegen dir, wegen dir, wegen dir, dir. Die Nacht ist schwül, bei heißem Sehnen schlepp ich mich zu ihm. Oh, was seh ich, bin ich verrückt. Drei kleine Bäuschen sitzen bei ihm auf dem Teppich. Ich aber habe nur kalt ihn angeblickt. Wegen dir habe ich meine Gutstellung bei Schmitz aufgegeben. Wegen dir, wegen dir, wegen dir, mein Freund. Wegen dir trage ich ein lüstern glitzerndes, sündhaftes Leben. Wegen dir habe ich heiß geweint. Die drei kleinen Radieschen hätte ich dir eventuell noch verziehen. Aber dass meine Schulfreundin dabei war, die Luise Parentin. Wegen dir habe ich meine Gutstellung bei Schmitz aufgegeben. Wegen dir, wegen dir, wegen dir. Lebt der Mutter noch, sie krümmte sich am Arme. Diese Schmach, ich überleb sie nicht. Und nimmt der Sensenmann mich eins in die Arme, schrei ich zu allerletzt dir's ins Gesicht. Wegen dir habe ich meine Gutstellung bei Schmitz aufgegeben. Wegen dir. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est le générique de cette émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette émission spéciale consacrée au château de Mussel. Quelle histoire! Mais quelle histoire! Ce château est un monument historique qui date à peu près du XIVe siècle. Et à cette époque-là, c'est 14e siècle, je crois, et à cette époque-là, Doris et Andreas étaient déjà dans les murs. Ce sont les propriétaires. Déjà, hein, au 14e siècle, vous étiez déjà dedans. Nous en sommes certains. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Doris, cette semaine, chez vous, dans le château, évidemment, on a tout de suite compris que vous faisiez partie des murs. D'ailleurs, vous nous avez dit, les murs me parlent. Alors, on n'est pas dans le spiritisme, hein. Mais on n'en est pas loin. Quelle histoire! Nous avons visité votre château. Alors là, avec Laurent, avec Guy, nous nous sommes dit, mais c'est une princesse qui nous accueille. Quel bonheur de vous entendre parler de ce château. Et quelle émotion, mais quelle émotion! On voit rarement ça, hein. De ce château. Alors évidemment qu'on va en parler, on va parler de vous aussi. Et je crois bien que le temps va nous manquer parce qu'on n'efface pas 8 siècles d'histoire comme ça. Je voudrais que l'on remercie vraiment chaleureusement Laurent Monet, qui est venu parce qu'il va assurer un certain nombre de traductions. Il est professeur d'allemand. Merci en tout cas. Willkommen, Doris et Andrea. Oh, merci. j'ai demandé à Laurent comment est-ce qu'on disait bienvenue. Alors, on peut faire le reste. Da kann man machen. Je suis pas sûr. Merci à Ludo qui est derrière la cabine, hein, réalisateur, et Guy Catelan, bien sûr, président et ami, qui a un petit mot d'accueil aussi à vous adresser. Bon, je ne dirai pas, comme Robert, je ne vous le dirai pas en allemand, mais sachant que Andreas travaille un peu en Italie, benvenuto a questa emissione. Grazie mille. Ecco. E buona giornata. On va la faire en français, en allemand et en italien. Pardon, je ne parle pas français, seulement avec une bouteille de chardonnay de Bourgogne. On verra ça après l'émission. Oui, on verra ça après. On verra ça après. Février 2004. Oui. Petite annonce dans un journal. Vent château, 13e, 14e siècle. Pour Doris et Andrea, c'est le début d'une aventure qui, 14 ans plus tard, n'est pas terminée. Première visite du château, le portail en fer forgé, les arbres qui entourent le château, la tour ronde qui domine cette grande bâtisse. Pour vous, Doris, c'est le coup de foudre. C'est là, ici, que vous voulez vivre, nous avez-vous confié. Dès lors, ce sont de longues heures, de nombreux déplacements depuis votre Allemagne natale, avec Andrea, votre époux, qui sont consacrés aux discussions d'achat du château. Et c'est le 27 septembre 2004, après 7 mois de discussion, que votre rêve devient réalité. Depuis lors, vous ne cessez, avec votre époux, Andrea, de retrousser vos manches et réaliser les travaux de réhabilitation des nombreuses pièces qui composent cette bâtisse, avec plein d'idées pour pérenniser l'avenir du château. On va en parler. Nous avons voulu, pour notre part, compte tenu de ce long passé et de son histoire, mettre en lumière le château de Mussel, dont on ne parle, en tout cas pour nous, finalement pas beaucoup. L'occasion du dernier vernissage qui a eu lieu en ces murs, dont l'artiste est native de Mussel, Jacqueline Bondet, pour ne pas la nommer de son nom de mariage, son nom de jeune fille étant Jacqueline Barceau, nous a, à la radio, en quelque sorte fascinés. Et c'est pourquoi, alors pour vous c'était un rêve, nous c'était de la fascination. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous vous remercions de bien avoir voulu accepter notre invitation afin de nous parler de votre coup de cœur, le château de Mussel. Et je dois aussi, comme l'a dit Robert tout à l'heure, remercier chaleureusement Laurent, qui a bien voulu, Laurent Monet, qui a bien voulu nous accompagner dans cette belle aventure, parce que pour nous c'est une aventure que nous avons vécue lors de la visite de votre domaine. Dommage, Andrea n'était pas là, mais nous avons pu profiter en tout cas de votre gentillesse, et je tenais à le dire à l'antenne, de votre gentillesse et surtout de l'amour que vous portez à ce château qui finalement n'est pas le vôtre. Oui, c'est comme ça. Voilà, oui. Mais aujourd'hui il l'est. Oui. Mais voilà, c'était les remerciements qu'on voudrait vous adresser à la radio pour avoir bien voulu nous parler de ce château qui, espérons-le, va connaître des jours heureux. D'accord. On connaît voilà. Déjà, d'ailleurs, des jours. Oui. Depuis que vous y êtes. Oui, c'est... comment on dit Non, c'était une décision qu'on a faite parce que, avec le travail de mon mari, un jour, c'est Dupont qui a dit « Est-ce que vous pouvez imaginer de travailler en Suisse ?» Et on a fait un voyage vers Genève. Et on a pas dit à nos enfants, peut-être c'est papa qui va travailler un jour là-bas, mais on laisse les enfants décider que c'est un lieu magnifique. Et pour ça, nous sommes déménagés en 2001. Tous nos 3 filles sont inscrites à l'école allemande à Genève, où je travaille. Et on a pensé qu'on va rester peut-être 1 an ou 2 ans, et après on va aller vers le Canada ou vers les États-Unis. J'ai l'impression qu'on est resté beaucoup moins. Non, non, non. Ah, c'était l'heure. Oui, c'est le cauchemar pour moi. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Et quand nous sommes là en 2001, on a passé un joli château qui est à côté de... Non? C'est de 94. 94 déjà? Ouais. D'accord, ok. Un joli château à côté de Frangy. Oui. Jusqu'à côté une de... une belle vue des Alpes. Et les Genève... Le château de Clermont. Non, c'est un petit... Je pense que c'est aussi privé. C'est une petite château juste à côté de la rue. Petite note dans oui, les on la, laisse glisser un petit note dans la boîte aux lettres si vous avez un jour... Le château de Viry. Peu importe. On a laissé glisser cette petite note. Si vous avez un jour l'idée de vendre votre château, nous sommes là. Ouais. Mais c'est 94. J'ai un net travail à Genève. Hein. Je travaille à Francfort, hein, cette époque, oui. Et peut-être ça commence notre idée de un jour vivre dans un château. Et c'est toujours l'idée d'Andreas qu'il y a une équipe des étudiants femelles qui fait la restauration. Et je pense, non, j'aimerais mieux les hommes qui font la restauration. Mais on a perdu cette petite histoire, mais quand nous sommes revenus et il a commencé à travailler à Genève, nous sommes dans une jolie petite maison entre Viry et Valérie. Et quand il y a le jour où il faut décider est-ce qu'on veut rester, travailler en Suisse ou est-ce qu'il faut déménager, je dis il faut, oui, déménager, retourner vers l'Allemagne. On a dit tous les deux non, on veut rester parce que on a l'impression que la vie, que le vie en France est plus calme. Sereine. On prend beaucoup de temps pour manger. Mmh. On ne peut pas imaginer de rester 3 heures à la table. Ça, en Allemagne, ça ne marche pas. Alors on adore le style de vivre qui est un peu. Oui, comme voilà, ça. La vie de château. Ouais. Non, pas forcément. Non, quand non. Je dis la vie de château, c'est vous parliez de la table. Oui. Ouais, peut-être c'est. À l'époque, on passait, c'est quand ouais. C'était des banquets, ça durait. Ça oui, durait, oui, ça oui, il y a ça aussi, oui, bien sûr, il y a oui. Ça aussi, oui. Et pour ça, on a décidé de rester. On a. C'était le château de Novéry qu'ils avaient. Merci, Andreas. Voilà, d'accord. Qu'ils avaient observé en 94 et sur lesquels ils avaient des vues. Mais on est très heureux que vous n'ayez pas choisi ce château-là et puis que vous soyez ici avec nous. Et on a regardé, je pense, un dixième des maisons pour chercher quelque chose pour notre famille parce que nous sommes 5, nous avons 3 filles. Et. On trouve rien autour de Genève parce que c'est énormément cher, c'est plus petit, ça ne marche pas. Alors, et comme un jour, je trouve cette petite annonce qui dit château à vendre, vue impressionnant. Oui, vue imprenable. C'est ça. Et je dis à mon mari, j'aimerais bien... Que visiter. Seulement. Regarder avec mes yeux. Et c'est dangereux parce que il suffit d'un regard pour avoir un coup de foudre. Ouais, c'est ça. Splendide février avec le soleil et pas des détails, hein, les couches de neige hein. Très très bon. Et après ce jour-là, on a essayé de. Donne une préposition pour le coup de vendre, c'est un peu difficile avec toutes les petites histoires à côté, mais finalement, on a signé, je pense, en mai, août. Les contrats ? Oui. Voilà, ne sais plus tard. Juillet. Juillet. Nous sommes à Annecy, dans un bureau de notaire. Avec une mille de papier qu'on ne comprend pas. Alors, on a trouvé une dame qui a fait la traduction pour nous. On a regardé tous parce que pour nous, c'est la première fois. Pour moi, les premières nuits, pas des... Tu ne dors pas. Parce que c'est la première fois qu'on a acheté un bien en France. On ne connaît pas vraiment les aboutissants. Oui, c'est ça. Mais finalement, on a signé. J'aimerais remercier les voisins et Monsieur Roger Blanc hein, qui nous a fait confiance. Er hatte Vertrauen, dass wir mit dem Haus etwas anfangen. Il avait confiance en nous pour que nous commencions quelque chose avec ce château, avec cette maison. Donc il nous laissait toute sa confiance. Oui, c'est ça. Et il tenait vraiment à le souligner. Et avec moi, j'ai une photo de Monsieur Blanc avec mon père. Et c'est aussi une histoire parce qu'ils sont, nés la même année. La même année. C'est mon papa qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, il avait 16 ans, il était là pour 3 jours, il était à l'autre côté des Monsieur Blanc qui est bien reçu les parmi les officiels, oui, mais distinction qu'il y avait. Oui, c'est ça. Et mon papa, il ne parle pas un mot français. Monsieur Blanc, il ne parle pas un mot allemand, mais comme on peut regarder dans son photo, ils sont proches et ils ont parlé sans les mots. Et ça me donne une idée. On peut faire cette histoire. On peut être en France sans avoir né en France, mais on peut vivre ici notre rêve. Voilà, et paisiblement, sans qu'il y ait de rancœur. Ou, voilà. Oui, c'est ça. Je crois aussi qu'à un moment donné, vous évoquez cette histoire qui peut être douloureuse parfois, ce temps de guerre. Mais finalement, les hommes, ce sont des hommes. Et bien souvent, ils ne sont pas dans la réalité du monde politique, entre guillemets. Donc la faute, elle n'est pas aux hommes personnels, elle est surtout aux politiques qui enclenchent bien souvent des conflits pour rien. Et j'arrêterai là le commentaire. Oui, d'accord. J'aimerais remercier les entreprises des Goussins. Ich habe die Gusser damals angerufen, die haben gerade den Smelter gekauft, der am Rand von Arlo stand, am Fuß von Chateau Mussel, diese Eisenverhüttung. Und die haben mir erzählt, dass sie das nur gekauft haben, um es vom Markt zu nehmen. Da wusste ich, man kann es kaufen. Was? Von dem Eisen? Die Eisenverhüttung, die am Fuße von Mussel war und die gesamte Nachbarschaft mit violetten Partikeln verschönert hat. Das war, les entreprises les, dans oui, la sont, côte de Mussel. Hein? Oui, oui, que je ne, j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Ah. Donc, oui, et vous teniez à remercier particulièrement les Dégoussins, la famille, l'entreprise. Les entreprises allemandes. Oui, oui. Avec les informations. Qui vous ont été transmises à cette époque. D'accord, très bien. Non, c'est parce que je ne connaissais pas du tout cette entreprise. Et, d'accord. Moi, j'avais une question quand même à poser concernant ce château, parce que vous avez eu, c'est vrai, un coup de foudre, et l'un et l'autre. Mais quand vous êtes rentré, vous nous avez dit, quand on s'est rencontré cette semaine, c'était, entre guillemets, un bordel incroyable. Ouais. Et alors, quand même, vous vous êtes dit, mais on va en faire quelque chose. Oui, j'ai eu les deux possibilités. Je peux pleurer parce que c'est un bordel, ou je peux faire quelque chose. Et pour moi, je suis un peu fou. Je suis la femme qui ménage partout. J'aimerais tous être propres, tous être en ordre. Et pour ça, ça me donne la chance d'être plus tranquille avec les choses. Ça me donne une idée. Il ne faut pas faire ça dans une seule journée. J'ai le temps de faire. Je laisse tranquille, je regarde. C'est un peu de zen pour moi aussi. Et pour moi, je croyais que les hommes coupaient les pierres. Je suis un ingénieur. Ah, tailleur, de tailler les pierres. Yeah. Aujourd'hui, je connais des gens sculptés dans la pierre. Ah oui, des gens qui sculptent dans la pierre. Die Steine mich behauen. Oui, oui. Die Steine haben mich verändert. Voilà. Il dit que, il connaît des gens qui taillent la pierre, hein, qui dessinent la pierre, mais il s'est rendu compte qu'après l'achat de ce château, finalement, c'est la pierre qui l'a façonné lui, qui l'a changé complètement. Et voilà, qui l'a un petit peu métamorphosé. Ich wollte nie in einem alten Haus leben, nie. Et il n'a jamais voulu vivre dans une maison de retraite. Donc il a toujours eu cet esprit d'entreprise. Man demoliert eine Wand und dahinter kommt das Grauen. Voilà. Et il dit, on démolit un mur et puis ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est l'horreur, voilà, la chose. Une 1,50 m hohe Bienenwabe. War hinter dieser Wand tot, mit 1,50 Meter toten Bienen. Il raconte que derrière ces murs, von dem Schloss, meinen Sie, derrière les murs donc, de ce château, il y avait donc des tonnes et des tonnes de, d'abeilles qui étaient mortes au fil des années. Et ça montre bien vraiment toute l'ampleur du travail qu'il y avait à faire, et puis surtout le côté délaissé du château pendant toutes ces années, et tout le travail important qu'il y avait à faire. C'est vrai qu'il y a eu une succession de propriétaires qui ont fait que finalement, c'est parce qu'il a une longue histoire, hein, 13, 14e siècle, la tour ronde, le donjon, ça date de 1200 et des poussières, hein, donc c'est 13e, 14e siècle. Donc c'est sûr que les choses ont dû s'accumuler et les surprises vont forcément avec. Hein. Mais en tout cas, si je peux me permettre, vous avez réussi un certain nombre de vous avez renouvelé votre château. Oui, c'est ça. Vous lui avez redonné une âme. Quand on est arrivé l'autre soir, que ces lumières se sont allumées à l'extérieur, on a été surpris avec Robert. Hein. On s'est dit, waouh, château, on l'a jamais vu comme ça, quoi. On l'a jamais vu comme ça avec ces deux lumières que vous avez. Et là, nous, on a regardé cette façade et on s'est dit, mais attends, c'est pas le château. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Déjà l'extérieur, vous l'avez bien façonné. Oui. Et l'intérieur, là, vous êtes en train de lui donner une âme, peut-être la vôtre finalement, votre âme à vous. Oui, on a. Alors pour nous, c'est important de ne vivre pas dans le château toute seule. C'était la première idée, ce qu'il faut ouvrir les portes pour les gens qui sont autour de nous. Nous ne voudrions pas être le seigneur du château. Et nous ne sommes pas le seigneur du château. Je ne me sens pas comme Schlossbesitzer, je me sens comme Diener dieses Hauses. Dieses Haus ist so lange ein Teil der Nachbarschaft gewesen. Wir müssen es den Nachbarn zurückgeben. Il ne se sent pas du tout propriétaire de ce château. Pour lui, c'était la propriété du voisinage. Et c'est pour cette raison, pour les voisins qui entourent ce château, c'est pour cette raison qu'il se sent plus comme un serviteur, comme quelqu'un qui veut offrir ce château au voisinage. Mais pas du tout comme le propriétaire du château. Das Château wurde von vielen verschiedenen Menschen über hunderte von Jahren benutzt und es hat sich dankbar gezeigt. Es hat genutzt, es war nie repräsentativ. Es war immer ein Zuhause, um Sicherheit zu geben und um Arbeit zu geben, nicht um zu repräsentieren. Pendant des années, ce château a été, comme on l'a dit, hein, la propriété de nombreuses personnes qui l'ont façonné à leur façon, mais ça n'a jamais été, jamais un chez-soi uniquement, ça a toujours été un château qui était là pour justement les autres et pas une propriété exclusive. Damit das Haus weiter überlebt, braucht es eine neue Aufgabe. Et pour que ce château puisse continuer à vivre, eh bien, on avait besoin pour lui d'une nouvelle mission, d'une nouvelle tâche. Et donc, ils se sont attelés à cette nouvelle tâche, cette nouvelle mission. Finalement, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous n'êtes que des passeurs. Oh, tous les humains, on n'est que de passage, mais vous n'êtes que des passeurs. Et votre mission, c'est justement entretenir ce château après d'autres gens. Oui, c'est ça. C'est comme ça parce que c'est pas que nous sommes les plus... comment on dit Wir sind nicht die Meister dieses Hauses. Nous ne sommes pas les maîtres de cette maison. Ouais. Nous sommes là pour une certaine période dans notre vie. Et il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Et on peut, pour notre période, on peut faire quelque chose. Si c'est bien ou pas, on ne peut pas décider. Mais vous nous avez confié, Doris, que j'ai sûrement eu d'autres vies antérieures. Ouais. Oui, ça change beaucoup. Vous vous êtes persuadée de ça? Oui. Vous êtes sûre que ça? Vous avez eu d'autres vies ailleurs? Oui, je peut-être suis dans un château, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas moi non plus, mais j'ai l'impression que je suis souvent seule dans la maison. Mais je n'ai pas peur. J'ai toujours l'impression que la maison me garde, que vous ça me donne du bien. Et vous protège. Ouais. Ça me donne quelque chose que je n'ai pas trouvé avant dans ma vie. Ça me donne une chance de vivre ici avec mes idées. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit « tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça ». C'est pour moi, c'est la chance de développer quelque chose de différent dans ma vie. Das Leben ist kurz. Wir müssen dieses Abenteuer verwenden. Il dit que la vie est courte, hein, pour tout le monde, et il faut justement utiliser, profiter de cette aventure, qui est justement d'avoir ce château pendant une période. Wir kennen sehr viele Menschen jetzt, die auch ein Château haben, weil wir die gleichen Probleme haben. Il connaît donc beaucoup de monde qui ont également un château et qui ont également les mêmes problèmes. Aber viele haben eine romantische Idee, ein Haus in einen Zustand zu versetzen, der nur in ihrem Hirn ist. Und der ist meistens in der Vergangenheit. Wir leben aber heute. Wir müssen das Haus heute beleben und wir müssen dafür sorgen, dass es morgen leben kann. Il dit donc tous ces personnes ont justement façonné les châteaux qu'ils possèdent de manière plutôt romantique à leur façon et qui certes les châteaux ont un ancrage très vraiment dans le passé, ont un passé qui est vraiment très riche, mais il faut vivre avec son temps, il faut développer les idées de maintenant et sans cesse aller de l'avant et quoi qu'il arrive. Et façonner justement les châteaux à notre façon également. C'est justement, alors, quand on a un tout petit peu préparé cette émission avec vous, Doris, vous nous avez déjà expliqué qu'il y a pas mal de manifestations qui se sont déroulées dans votre château. Et vous avez l'intention d'accentuer un peu plus. C'est-à-dire que, finalement, votre coup de cœur pour ce château, vous voulez le partager avec les autres. Oui. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui vous convient bien, parce que, d'après ce que votre mari, d'après ce qu'Andrea vient de nous dire, en définitive, c'est pas à moi, c'est à tout le monde. Et là, vous voulez extérioriser un petit peu l'image du château. Oui, c'est ça. Parce qu'avec notre première exposition en 2006, c'est Jacqueline Bondé qui était née au château, qui me donne un coup de téléphone et m'avait dit « Est-ce que je peux revenir ? Est-ce que je peux revoir mon ancien ?» Oui. Ouais. Et je dis « Bien sûr ». Et avec ça, c'est une amitié qui était là. Et elle a exposé avec une amie, Marianne. Et c'est un grand travail pour nous, mais à l'autre côté, il y a tout le monde qui était là, qui raconte les histoires comme le château était quand elle était jeune. Ils trouvent les souvenirs partout et pour nous, ça donne aussi une idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que pour le château, j'ai essayé de trouver les informations, mais c'est très particulier. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et quand nous sommes en train de restaurer, dessus chaque mur, on trouve quelque chose. Et on essaye de comprendre comment ça marche. Oui, parce que Madame Bondé, elle a raconté qu'il n'y a pas de l'eau dans les années 1914. Il n'y a pas de l'électricité. Il n'y a rien. Il y a 20 personnes qui vivent dans le château, dans les différentes chambres, mais ensemble, c'est son papa qui fait beaucoup pour nourrir tous les enfants. Et ça me donne une idée comment la vie était autrefois. C'est pas le médiéval, mais on ne peut pas imaginer comment on peut vivre dans un château sans chaudière, avec les cheminées dont Jacques. Oui, c'est ça. Mais nous avons, ça me donne aussi la force de trouver les solutions qui sont capables pour nous. Andreas voulait rajouter qu'ils ont quand même vécu 2 ans sans eau, sans chaudière, oui, hein, sans chauffage. Oui, on a dormi. Ils ont eu très froid. Dans une chambre avec nos enfants et nous. Pour 2 ans, parce qu'on n'a pas trouvé la solution pour le chaudière qu'on vole, mais finalement, on a réussi maintenant. Il faut dire quand même que, parce qu'on n'en a pas parlé encore, ce château est immense. Immense. Il y a 3 étages, oui. Il y a échauffer tout ça, c'était extrêmement compliqué. Oui, mais je suis tellement eu de la chance d'avoir un ingénieur à ma côté qui a toujours les idées. Et on a fait le chauffage du sol au premier étage et c'était Andreas qui a dit pourquoi on ne peut pas mettre ça contre les murs au rez-de-bâtiment parce qu'on ne veut pas détruire le sol. Pour ça, on a mis ça vers les murs et ça marche perfect pour nous. Alors c'est bien d'avoir quelqu'un qui a le cerveau, mais aussi les deux mains pour réaliser tout ça. Meine Frau, die haben mich immer gefragt, wenn du im Lotto gewinnst, dann wird das Haus morgen fertig. Und dann sage ich immer, nein, das ist nicht der Wunsch. Wir möchten unseren Kopf benutzen, um es möglich zu machen mit unseren Händen. Ses filles lui ont dit, donc on dit à leur papa, écoute, pour que le château avance très vite et que tout soit fait dans les meilleurs délais, il faudrait que tu gagnes l'auto. Il dit, c'est pas du tout la question. La question, c'est de prendre son temps, de faire les choses avec ses mains, de façonner dans le temps le château, de prendre son temps, de réfléchir et de réaliser nos rêves à notre façon. Mais l'important, ce n'est pas de finaliser les choses en un temps record et en gagnant encore plus au loto. Voilà. J'aimerais un remerciement à M. Tron er hat uns sehr geholfen. Monsieur Tron. Tron? Tron. Der hat, hat sich darauf Trump? Non, Tron. Non, Tron. Tron. Tron. Jean Tron. Jean Tron. Réalisateur du chauffage. La personne qui a fait le chauffage, d'accord. J'aimerais vous poser une question qui va peut-être être un petit peu difficile, c'est de nous présenter le château, mais là on ne peut pas montrer de photos à la radio, nous dire combien il y a de pièces, de salles de bain, pour qu'on se rende compte de ce que c'est que ce château de Mussel. Alors, la première chose qu'on avait dit, qu'on a acheté le château, c'était de diminuer les chambres, parce qu'il y a beaucoup de petites chambres et on a détruisé plusieurs murs pour agrandir le château, alors l'intérieur du château, et les murs sont très très très lourds. Oui, oui. Sans calculer si on peut vraiment faire ça. Alors on a démonté les murs. Nous n'avons pas la monnaie pour louer wir hatten nicht das Geld, um uns die Müllcontainer zu leihen, um die ganzen Steine zu entsorgen. Ah oui, donc ils n'avaient pas l'argent nécessaire justement pour le déblayage de toutes les pierres, de tout ce qui a été cassé. Ouais. Pour ça, on a acheté, je pense, 10 seaux. Et on a transporté tous les à la pierres à la main. Parce qu'aussi, Andreas me disait en aparté, la caractéristique aussi de ce château, c'est que les sols avaient des niveaux très fluctuants. Et il a fallu tout remettre à niveau, ce qui a été quand même un travail considérable. Et justement toutes les comment dire les, quand les murs ont été a été réalisés directement par eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et nous pour avons des soucis financiers, des raisons financières. Ouais, nous avons maintenant une grande jolie salle de garde avec une cheminée de l'époque et c'est le seul cheminée qui reste. Oui. Cette salle de garde, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et là, j'ai bien reconnu votre patte, votre coup de main, ou peut-être celui à Andreas. Vous avez enlevé l'électricité pour y mettre des bougies. Oui. Eh oui. Donc, on revient au XIVe siècle. Ouais. Eh oui. Ouais, c'est ça. Mais c'était évidemment pour moi, parce que je ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir une lustre autrefois avec l'électricité. Ça ne marche pas pour moi. Et non, pour ça, je demande à Andreas, est-ce qu'on peut enlever tout ça et refaire... Mais je pense que c'est la seule chose qu'on a vraiment refaire dans le style ancien. Dans le style ancien, oui. Ouais, avec tous pour les... garder. On essaye de laisser l'esprit de château. L'esprit de oui. Parce qu'il y a même le cordage pour pouvoir allumer des bougies avec la poulie. Oui. Et, J'adore Doris. Si so verrückt, man muss sie einfach lieben. Il dit j'adore Doris. Elle est si folle qu'on n'a pas le choix que de l'aimer. Moi, je vous propose de faire une petite pause parce que c'est prévu comme ça. On va laisser passer l'émotion. C'est une déclaration d'amour, ça. Hein? C'est une déclaration d'amour et en direct. Alors là, on va faire une petite pause qu'a choisi Doris. C'est Voyage, Voyage et le voyage n'est pas terminé. C'est Desireless. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. JFM, la radio la plus proche de chez vous. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des Voyage, Désirless. Là, nous avons avec nous Andreas et Doris pour cette émission consacrée au château de Mussel. Un petit commentaire, Doris, sur ce voyage. Le choix, c'est pourquoi ? C'est parce que vous êtes en permanence en voyage dans ce château ? Je pense une chose qui rassemble Andreas et moi, c'est on voyage beaucoup. Et on adore le voyage. Et on a fait un voyage du monde en 91. Pour une année, nous sommes autour de... On a visité Thaïlande, les Philippines, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaï et à la fin, les États-Unis. Et après, cette année, on a décidé de séparer parce qu'on a discuté tous dans cette année. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu veux les enfants? Est-ce que tu veux être marié? Et nous sommes toujours en contraire. Je dis oui, il dit non. Et pour ça, nous sommes mariés en 1992. Vivons une très petite tente, c'est très très compliqué. Ça donne des émotions, je peux vous dire. Meine Seite des Zelts war nie aufgeräumt. Meine Seite vom Zelt war nie aufgeräumt. War immer durcheinander, war immer bordel. Il dit, moi de mon côté, c'est toujours été un bordel. J'ai jamais été très organisé. Voilà. C'est ça. Aber das Zelt war nur zweimal ein Meter. Parce qu'ils étaient donc dans une tente et le côté de sa tente à lui était vraiment peu organisé. Il vivait donc dans une tente de 1 mètre sur 2 mètres et de son côté, c'était toujours le grand chantier. Alors vous avez fait... Vous le disiez, Doris, à l'instant, vous avez fait le tour du monde pour finalement atterrir, entre guillemets, ici, à Arlo. C'est le plus beau pays du monde, alors. Oui, c'est ça. Il a fallu voir la Terre entière. Oui, c'était vraiment comme ça. Si nous sommes là et on a eu la chance de trouver une maison, on a dit on veut aller partout, mais pas à Bellegarde. Parce que 2004, c'était un peu triste, un peu avec l'autoroute qui passe. Bellegarde n'avait pas la même image. Oui. L'image qu'a Bellegarde maintenant a beaucoup changé. Aber wenn man sagt, man möchte nie irgendwo hin, dann hört der liebe Gott und prüft einen. Wir haben gesagt, wir wollten nie nach Bellegarde, aber wir wurden geprüft und seitdem wir hier leben, hat sich viel verändert und wir haben die Schönheit gesehen. Das Plateau Retore, die Valserine, die Rhone. Au début, c'est vrai, ils confirment qu'ils ne voulaient pas du tout être sur Bellegarde et puis finalement, ils ont appris à découvrir toutes les richesses qu'il y a, le plateau de Retore, tous les environs et qui sont des merveilles pour les yeux. Et voilà, ils se sont laissés séduire par le lieu. Und die Menschen sind völlig anders. Hier sind die Menschen, die leben hier, die feiern hier, die arbeiten hier. Alle anderen Städte rund um Genf sind eigentlich nur Schlafstädte. Das Schöne hier ist, dass wir hier leben dürfen und dass wir hier als Ausländer, als Deutsche einfach angenommen werden und ein Teil dieser Gemeinde sein dürfen. Das ist gut. Ce qu'il apprécie tout particulièrement donc sur Bellegarde, mais uniquement sur Bellegarde, contrairement aux autres contrées, c'est que par rapport aux autres contrées qui sont donc des lieux où on dort et puis on va travailler notamment sur la Suisse, à Bellegarde, on se sent accueilli. On vit à Bellegarde, on vit avec les autres nous accueillent, nous intègrent, on s'y sent particulièrement bien et ce n'est pas entre guillemets qu'une cité dortoir où les gens sont juste là pour dormir et ensuite aller travailler. Donc c'est vraiment ce qu'il tenait à souligner donc par rapport à la ville de Bellegarde. Le bon vivre, la convivialité et le fait de se sentir vraiment aimé par les autres. C'est un bel hommage que vous faites aux Bellegardiens, là. Hein? Oui, mais c'est un bel hommage. C'est vraiment comme ça. On a pas l'idée que nous sommes les étrangères qui ne connaissent pas les gens autour de nous. C'est toujours un voisin qui approche, qui a quelque chose, qu'il a récolté dans son jardin pour nous. C'est toujours un... C'est pas que j'ai l'impression que je suis étrange ici. C'est vraiment différent que à Genève, j'ai pas les amis qui sont là. Et quand vous avez habité dans le pays d'Aix pendant ces années, est-ce que vous trouvez une différence entre le pays d'Aix et Bellegarde? Oui, je pense que c'est une grande différence parce que là, il y a beaucoup des gens qui sont là pour une certaine période de leur vie. Alors, il y a beaucoup de mouvements et on peut faire très vite la connaissance de quelqu'un, mais ils sont l'autre jour, ils sont disparus. Voilà. Et ici, il y a certaine... Il y a des liens qui se créent. Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est vraiment une différence entre le pays de Gex et ici. Pour moi, c'est un peu... Je ne sais pas si je peux se dire, mais c'est un peu la vraie France. D'accord. C'est différent. Oui, oui. Des intérêts pour les arts ou les sports. Wir haben nicht gewusst, wie viele Künstler es hier gibt. Il se serait jamais imaginé qu'il y ait autant d'artistes sur Bellegarde, une richesse culturelle, artistique, sportive. C'est vrai, quand on voit le nombre d'associations qu'il y a sur Bellegarde, ça illustre bien vos propos. Hein. Ouais. Ce qui prouve bien que finalement la politique entre guillemets belgardienne sur le bien vivre ensemble et de partager un certain nombre de choses, elle a été c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été comme ça. Et nous les vieux belgardiens entre guillemets, on ressent ça quand il y a des jeunes nouveaux qui nous arrivent dans notre bassin de vie et qui apportent cet éclairage que nous on n'imagine même pas. Que nous, on n'imagine même pas. Et on a ce lien social qui est tellement important dans la vie. C'est important le lien qu'on peut avoir avec les gens. Et là, on n'a pas l'impression, quand on parle avec les Belgardiens, peut-être pas les vieux Belgardiens, mais quand on parle avec les Belgardiens, on n'a pas cette même impression que vous nous donnez. Et quelque part, moi, ça me fait chaud au cœur. Sincèrement, ça me fait chaud au cœur parce que. Ne serait-ce que le château de Mussel, on n'en parle pas beaucoup du château de Mussel, et pourtant il existe depuis le XIIIe siècle. Je veux dire, voilà, et puis il faut que, pardon pour le mot, il faut que ce soit des étrangers, entre guillemets, qui nous en parlent avec amour et passion. Alors ça... Notre génération, c'était très très simple avec les Internet. Das wahre Leben passiert durch wahre Erfahrungen. Und wenn Mussel wahre Erfahrungen geben kann, wenn 70 Leute zu einem Theater kommen und mit einem warmen Herzen und mit anderen Blick gehen, das kann man nicht im Internet googeln. Il dit que la vraie vie, finalement, eh bien, ce sont les vraies choses de la vie. Ce n'est pas toutes les techniques qui émergent maintenant, les nouveaux outils de communication, Internet et autres. C'est justement quand on est, par exemple, on a une pièce de théâtre, que les gens, leur réaction à chaud, leurs émotions, c'est tout ça, là. Ce sont les vraies choses de la vie. Et il voulait vraiment insister sur ce point-là. C'est pas en parlant des générations, hein, il dit c'est vraiment l'ancienne génération qui continue à véhiculer ses vraies valeurs et pas la génération de maintenant qui est beaucoup plus attirée par tout ce qui est nouvelles technologies et autres ou qui est peut-être qui sont moins authentiques, hein, que ce que la génération d'avant a développé. Je voudrais qu'on revienne au château, parce que là, on pourrait en parler. On fait de la philosophie, quelque part. Hein. Qu'on revienne un tout petit peu au château. Je voudrais savoir quelle est la pièce dans laquelle vous vous sentez le mieux, vous, Doris, et vous, Andreas, aussi. Et est-ce qu'il y a une pièce en particulier dans laquelle... ça peut être la bibliothèque, ça peut être la cuisine, ça peut être... Quelle est la pièce qui... Andreas, il dit la cuisine parce qu'on y mange bien. Mais il y a peut-être une pièce particulière, non, qui... Je sais pas qui fait qu'on on se sent très très bien. Oui, et c'est aussi peut-être notre chambre où on dort parce que il y a que une seule fenêtre et j'ai le vu sur durch das Fenster. Oui, à travers la fenêtre, j'ai la vue sur. je peux voir que les arbres et le ciel, et c'est toujours, c'est ma télévision. Chaque matin, je peux regarder, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il pleure, est-ce qu'il y a de la neige, parce que je vois aussi un peu la chaîne du Jura. Et c'est un vue qui me plaît beaucoup. Et j'adore aussi de prendre mon petit tasse de café le matin sur la terrasse, parce que je peux voir la Rhône et l'autre côté, le Rhône. L'autre côté, c'est déjà la Haute-Savoie où il y a un petit village où mes amis sont. Et c'est vrai qu'il y a une vue magnifique. Il y a une vue impressionnante. Et on aperçoit peut-être aussi un tout petit peu le Mont Blanc. Oui, si nous sommes sur, au-dessus, au sommet de notre petite tour, on peut voir le Mont Blanc. Mais c'est la Suisse. Non, les locations, c'est très, très incroyable. Hein. Les maisons du XIIIe siècle originaient à une place parfaite. Avec les bises, c'était une très, très, très calme location. Wenn man im Hof sitzt und die Bise bläst, dann kann man trotzdem in Ruhe in den Himmel schauen, weil das Haus ist so gestellt, dass es richtig ausgerichtet ist. Il dit que quand la bise, le vent, donc souffle, la particularité de ce château, quand on est dans la cour, c'est qu'on ne ressent rien. Elle est les murs, il est disposé de telle manière que, que la bise passe à côté et qu'on ne ressent rien et qu'on se sent bien, justement, à l'abri, comme protégé. Alors, dans ce château, il y a aussi quelque chose qui nous a surpris, parce qu'on a fait une sacrée visite, quand même. Il y a eu sûrement des légendes hein, dans ce château, mais on l'a vu de nos yeux vus, une oubliette qui existe encore. Oui. Et il paraît qu'il y avait des chemins à partir de cette oubliette pour rejoindre un autre château, pour rejoindre... Et ça existe encore, ça? Oui, alors ce sont les légendes, mais on a essayé de... C'est pas une légende, parce que l'oubliette existe vraiment. Oui, il est vraiment là. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment une galerie au-dessus. Oui. Mais on a l'impression, parce que ce sont nos enfants qui sont dedans, qui sont descendus. Et je laisse, c'est Andreas qui a fait un tripod, je laisse les seaux dedans, et ils ont creusé 1,50 m du terre. Ouais, d'accord. Profondeur. Oui, et on a trouvé les choses comme... 60 ans hein, pour l'espace espèce des... Ce sont 60 ans qu'on a trouvé. Ah, parce qu'on a trouvé dans cet espace de 1 mètre, vous avez trouvé... On a trouvé les coins de monnaie qui datent de 41. Ah bon ? Et ça nous donne une idée, il y a encore du terre qu'il faut enlever. Et on peut voir, il y a une ouverture qui est fermée maintenant, mais... On a parlé avec un club de spéologistes qui nous avons donné une carte. Et je sais, il y a les caves souterraines autour du château. Et il y a aussi une ouverture dans le jardin, mais c'est fermé aussi. Oui. Mais je pense qu'il y a... Alors, ce sont les gens qui disent qu'il y a une relation entre le château de Musinan et le château de Musset. Mais c'est une distance pour moi énorme. Ça risquerait d'être dangereux si on s'aventurait dans des... Ouais. Tu parlais de galeries qui... Oui, moi, je me souviens d'une... Enfin, je me souviens, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, de ce que les anciens disaient, il y a une galerie où on récoltait à l'époque les champignons de Paris. Oui, oui. Ouais. C'est notamment deux ou trois collègues qui m'ont parlé de ça. Et il y a une galerie, effectivement, où on récoltait le champignon de Paris. Ouais. Et une galerie aussi qui descendait jusqu'au château d'Arlot. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vers le Rhône, en définitive. Oui. Là où on a mis en eau le Rhône et où le château, on peut l'apercevoir. Enfin, les vestiges du vieux château, on peut les apercevoir quand le Rhône descend. Oui, oui. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est vrai que je ne sais pas jusqu'à quel point il est possible encore d'aller voir... Quel est Doris, quelle est là, quand vous avez acheté le château, quelle a été votre plus grande découverte? Enfin, vraiment, où vous êtes... Wir haben eingemachtes Gemüse gefunden von der Mutter von Jacqueline Bondet. Ah, ils ont trouvé une espèce de légume, une variété de légumes assez rare qui était donc à l'époque de la maman de Jacqueline, qui était cultivée à l'époque de la maman de Jacqueline. Et vous la cultivez maintenant? Non, pas du tout. Non, Et les cidres. Oui, mais on a trouvé alors dans... Comme vous savez, on a deux ailes dans le château. Deux ailes. Et en ce côté qui n'est pas maintenant restauré, il y a plusieurs de choses qui sont pour moi très intéressantes, comme les instruments du travail qui sont très vieux. Une vélo Solex. Oui. Parce que la deuxième partie du château, donc celle dont on n'a pas visité et où la rénovation n'est encore pas faite, bon, je crois savoir, vous nous avez indiqué une sept ou huit chambres, quatre ou cinq salles, des salles d'eau. Ouais. Mais le reste, ce sont, me semble-t-il, ce qu'on appelait avant les écuries. Oui, je pense que ce sont les écuries. Parce qu'il y avait le château, proprement dit, et les écuries à côté. Mais je pense les écuries... Alors, c'est aussi notre architecte qui a dit c'est la place le plus vieux du château. La plus vieille, qu'on peut, avec les murs, la distance des murs, on peut dire... Les murs, on peut voir, deviner l'âge de la... Oui, mais c'est... Et il y a un caf souterrain voûté qui est très très très joli. Très ancien. Bientôt vous allez pouvoir aller. Vous avez un beau projet là. Oui, avec encore un bon projet. Oui. Oui, c'est ça. Non. Un projet pour notre vie. Hein. Oui, mais bon, vous savez, une cave comme ça, ça vaut la peine d'être, de s'y pencher dessus, on va dire. Hein. Oui. Et puis après, peut-être de l'alimenter, sait-on jamais, cette cave. Vous n'avez pas un projet Je voudrais créer une vie noble. Hein. Voilà. Avec les voisins et les amis de Musset. Seulement pour le plaisir, hein, pas de commercial, seulement pour le plaisir. Avoir quelques bouteilles, le château de Musselle. Oui. Voilà. Ouais. Oui. Cuvée château de Musselle. C'est une bonne idée. Alors, c'est pas. Il faudra attendre 4 ou 5 ans. Le projet a bien avancé déjà. Oui, on a déjà fait le terrain avec notre jardinier. On a parlé avec la maison Galicie pour avoir une idée, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut planter ce qu'on veut, est-ce qu'il y a une législation, est-ce qu'il faut faire ça ou ça. Alors nous sommes en train de trouver toutes les informations pour faire ça. Oui, mais je pense que ça peut être un joli vue s'il y a les vignobles autour du dans un côté. Oui, parce que vous avez un terrain avec une très belle exposition. Oui, c'est ça, parce que c'est plein sud. Voilà, oui. Et les seulement plantes, die erste Pflanze, die wieder wächst, ist wilder Wein. Ah, la plante sauvage donc qui repousse, c'est une sorte de vieille vigne. Ce sont des pieds de vieille vigne. Donc c'est un sol qui est tout à fait adapté et favorable à justement pour pouvoir justement faire. Écoute, à l'autre côté du Rhône, il existe autrefois un vignoble. Mm-hmm. À Franklin. Ouais. Ah d'accord. À Franklin, il existait justement un vignoble qui était classé Roussette de Franklin. Ok. Et qui était faite par le cousin de la maison que vous avez évoquée il y a quelques instants. Ok. Et qui a. Je voudrais un autre côté, une jardin pour les anciens légumes. Fruits. Ah, développer un verger de fruits plutôt rares et anciens. Oui, c'est ça. Pour ma pension, pour ma rente. Pour sa retraite. Il aimerait développer ce projet pour sa retraite. Pardon, mais là, vous avez peut-être une opportunité avec le verger Tiocan, qui est dans le pays de Gex, que nous avons reçu il y a quelque temps d'ailleurs. On a fait une émission avec eux et qui pourrait éventuellement vous renseigner sur tel ou tel le verger Tiocan. C'est une association. Qu'on a reçue il y a quelque temps. Je crois même qu'on doit avoir encore des... Contacts. Ouais. On vous les donnera. Et il se trouve au bord de la voie rapide. Hein. Et quand vous dites, hein, Andreas, des fruits anciens, vous pensez à quels fruits? Des fruits en particulier? Speierling, alte Äpfel, alte Birnen, alte. De vieilles variétés de pommes, de poires. De coin. Le coin, des variétés plutôt rares qu'on trouve peu sur le marché. Vous n'en avez pas du coin chez vous, non? Non. On a essayé. Les cognassiers. Tu es le voleur de coin. Ok. Ah, c'est toi? Il en a piqué au voisin. Oui. Ah, il me l'a dit, le voisin. Oui. En attendant, ce château, il évolue de mois en mois. Vous prenez le temps d'y travailler, mais vous y travaillez en permanence, tous les week-ends pratiquement. On fait aussi les pauses. On ne travaille pas tous les week-ends, mais on essaye de faire... Si on fait les petites choses, ça donne aussi quelque chose. Maintenant, il ne faut pas les grands travaux. On a échangé les poudres, on a échangé les fenêtres, le système de chauffage, le plafond, les murs sont... Alors, c'est bien. Mais le reste, il y a les petites choses à faire. Et pour ça, on prend peut-être 2 week-ends de 4 pour travailler ensemble. Ou inviter les amis. Wir haben sehr oft Freunde eingeladen für 2-3 Wochen und machen eine Woche Urlaub und arbeiten 2 Wochen zusammen. Ah, ils ont déjà invité donc des amis, 3 semaines au château, une première semaine pour se reposer, passer du bon temps avec eux, et puis les 2 autres semaines pour consacrer au travail. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est vrai, quand on a visité l'autre soir ce château, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que dans la rénovation, tout est mûrement réfléchi. Ils prennent leur temps pour voir quelle solution est la plus adaptée. Et c'est jamais fait dans la rapidité. C'est ce que vous disiez d'ailleurs. On aurait pu, depuis 2004, avancer bien plus vite dans cette rénovation. Mais on a souhaité prendre notre temps, réfléchir, ne pas se précipiter et faire les choses vraiment du mieux qu'on pouvait. Et ça, vraiment, je tenais à le souligner parce que le résultat est vraiment magnifique. À part un petit bémol, hein, si je peux me permettre, hein, c'est... il manque une marche là-haut à l'escalier. Oui, mais vous savez, on ne peut jamais faire confiance à ceux qui réalisent les choses. On a beau faire les plans comme il faut, il y a toujours un bémol quelque part. Mais ce n'est pas grave, hein. Ça ne nous a pas empêché de visiter. Non, c'était un petit... Petit détail. Et alors, il faut aussi préciser que Laurent m'avait confié qu'il avait été subjugué par cette visite et que un de ses désirs profonds, c'est d'y retourner pour encore mieux les regarder. Et puis de jour. Ouais. Voilà. Ah oui, voir. C'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose, je pense. Oui, mais tu n'auras pas... De jour, tu n'auras pas le... Comment dirais-je? À l'intérieur, tu n'auras pas cette... fascination des lumières comme elles ont été disposées par Doris, qui ont été, c'est vraiment avec beaucoup de goût. On sent que vous y mettez vraiment le cœur, quoi. Oui, c'est ça. Vous y mettez le cœur. Merci. Hein. Les premiers temps dans les premiers étages, c'est très très très triste, très très austère, et das war total dunkel, très sombre. Et l'idée pour les lumières, c'est une rêve pour Doris et moi. Hein, mais les, les, Les lumières, c'est très important pour la vie. Oui, bien sûr. Rendre beaucoup plus lumineuses ces pièces qui manquaient vraiment de clarté. Et un monument historique, man kann nicht große Löcher in eine Fassade machen, die ein Monument ist. Dann muss man es innen machen. Na? Man muss das Licht dann innen verteilen. Oui, on ne peut pas, éclairer tout un pan de mur. On doit justement trouver un éclairage qui soit qui montre justement certaines choses, en particulier faire ressortir certaines choses donc d'un mur et qu'on puisse faire ressortir les choses l'intérieur d'un mur. Et c'est tout un jeu de lumière qui est à trouver. C'est une recherche. Oui. C'est très particulier. Doris, vous dites que les murs vous parlent. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils vous racontent. Si c'est pas indiscret. Ça ne se dit pas. Alors, si c'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret. Les murs me donnent vraiment une petite idée parce que dans ma vie, je suis très. Il me faut travailler très créative parce que je suis ensemble, on en travaille avec les enfants. Et vous êtes amenée à faire des travaux très créatifs. Oui, et je trouve toujours une idée. Il me parle de « est-ce que tu penses que tu peux faire ça ?» ou « tu penses que tu peux c'est mettre un… » C'est une source d'inspiration, de créativité. Oui. Et une source de l'eau. Hein. C'est la troisième marche. Le premier escalier, pleurer. Deux semaines après Pâques et deux semaines avant Pâques. Pleurer. Pleurer. Oui, il y a une marche avec de l'eau. Ah, d'accord. Et c'est toujours le même temps de l'année. Ça veut dire deux semaines avant et deux semaines après Pâques. Je pense que c'est un problème physique de l'humidité. C'est très simple. Mais on a pensé, on peut mettre cette humidité dans les petites bouteilles et vendre ça pour restaurer le château. C'est l'eau sacrifiée. L'eau sacrée. Oui, parce que nous sommes vraiment proches du chemin de Compostela. Ah oui, bien sûr. Alors, ce sont les idées d'Andreas, parce qu'il est toujours comme ça. Non, cette marche, cette pierre, c'est une autre carrière. Hein. Das kommt aus einem anderen Steinbruch. Und deswegen hat es eine andere Wärmeübertragung und deswegen kondensiert das Wasser. C'est très simple. D'accord, donc c'est parce que cette marche n'est pas du tout de la même pierre, ce n'est pas du tout la même pierre, ce qui explique que contrairement aux autres marches, eh bien, elle fait ressortir de l'eau. Et voilà. Mais elle la puise où, cette eau, finalement? Est-ce qu'elle est, cette marche dont vous parlez, est-ce qu'elle est à même la terre? Ce qui peut supposer non, que c'est la deuxième marche. Oui, mais elle peut être posée sur la terre. Aber ist sie auf der Erde oder? Nein, das Wasser kommt, weil es zu Ostern wärmer wird, die Luftfeuchtigkeit höher wird und alle Luftfeuchtigkeit nur an dieser einen Stufe kondensiert. Die Erklärung ist einfach, aber die romantische Idee, es zu verkaufen, ist besser. Il dit que en fait l'origine de cela c'est que donc à Pâques quand les jours deviennent les températures sont un peu plus chaudes il y a de l'humidité qui crée de la condensation la pierre suinte suite à cette augmentation de la température. Ce qui crée une condensation, l'eau donc coule. Mais elle doit bien la puiser quelque part, cette eau, c'est pas possible qu'elle ça soit... vient de l'humidité et de l'air ambiant qui fait ça donc, et c'est la pierre qui éponge. C'est une pierre éponge, la variété de cette pierre. Il me dit la solution la plus romantique serait de se débarrasser de cette pierre, de la vendre. Ah ben non, voilà. Non, il faut la mettre dans une église et au-dessus d'une vierge pour que la vierge pleure. C'est une idée. Miracle. Oui. Bon, là, il y a un silence, donc on va continuer. C'est un ange qui passe. Oui, c'est un ange, oui, justement. Vous voyez, on est dans l'esprit du château, quand même. On ne sait pas ce qui s'y est passé dans le château. Mm-hmm. Est-ce que, comme disait Robert tout à l'heure, est-ce que par rapport à ce que vous entendez, entre guillemets, dans le château, Est-ce que c'est une source aussi également d'inspiration? Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Non? Andreas dit non. Non, c'est une black hole pour les monnaies. Non. C'est une source d'inspiration, oui, c'est un schwarzes Loch, où Geld verschwindet. C'est un, au contraire, c'est pour lui, c'est un trou c'est noir un gouffre, dans un gouffre financier. C'est pas du tout une source d'inspiration. Non, je suis. Mais là, ils n'ont pas l'air d'être du même avis. Mais est-ce que je peux faire la même chose si je vis dans un appartement que je peux faire maintenant avec le château? Est-ce que j'ai eu le même erfahrung? La même expérience? Oui, je ne pense pas. Et pour ça, je suis sûre que le château me donne aussi la possibilité de... Si je veux inviter un groupe de 50, je peux faire ça. Ce n'est pas un problème. Je ne peux pas faire ça dans un petit appartement. Si je veux rester seule, je peux faire ça. Si je veux chanter au milieu de la nuit, je peux chanter. Et ça me donne une liberté où je suis sûre que ça me manque dans ma vie. C'est une question que je voudrais poser à Andrea. Vous n'êtes pas un peu jaloux de l'amour qu'elle porte au château par rapport à vous? Sie sind nicht ein bisschen eifersüchtig auf die Liebe, die ihre Ehefrau für das Schloss hat? Alors, si la question est bonne. Doris crée une très énorme cœur, hein? Un cœur pour une château, un cœur pour les trois enfants, un cœur pour les trois chats. Et une très très très très petit cœur pour vous, une petite place pour vous. Non, les sources d'inspiration, les sources de passion. Vie, c'est une grand rêve. Hein? Vie, c'est une aventure. Vie sans passion, c'est Sans passion, hein? c'est monotone. So, c'est pas passion. La passion doit animer une vie. Hein? Les passions. Les sources d'inspiration, c'est une rêve. Man muss nicht alles machen, was man an Idee hat, aber Ideen zu haben ist so viel befriedigender. Il dit on ne doit pas faire non plus tout ce que nous disent, tout ce qui nous vient à l'esprit, mais malgré tout avoir des idées, ça libère l'esprit, ça c'est une source de libération également. Faut pas tout suivre toutes ces idées, mais malgré tout, c'est quand même une source de libération importante. Doris, est-ce qu'il y a des moments, est-ce que ça a dû sans doute arriver, où vous n'êtes pas bien dans ce château? Des jeux, ça peut être des journées. Oui, si je suis toute seule et le chaudière ne marche pas et il fait froid et j'ai aucune idée et je suis allée dans le salle où le chaudière est et il me faut faire une photo de cette petite faute et j'envoie le photo à Andreas qui est en Italie et il me dit il faut faire ça. Alors ça veut dire après mon travail, il me faut travailler avec les choses qui je ne comprends pas parce que je ne suis pas ce expert de ça, mais ce sont les petites choses. Doris, ça, c'est, j'allais dire, c'est matériel, ça. Oui. Moi, je parlais un peu de l'esprit, par exemple, de la tristesse. Non, c'est pas. J'ai décidé, avec 30 ans, j'ai décidé, je peux vivre ma vie joyeuse ou triste. Et je prends la solution d'être joyeux. Pour ça, je pense que. Oui, il y a de temps en temps les choses qui ne me plaisent pas, qui je veux changer, mais je pense que je suis optimistique. Les châteaux, das ist viel zu groß. C'est beaucoup trop grand, le château, c'est ce qu'il m'explique. C'est une das ist eine Arbeit für mehr als ein Leben. C'est pour lui, c'est un travail qui est énorme, exigeant. Aber wenn man macht, was einen überfordert und was größer ist als man selber, wächst man selber. Voilà, il dit, quand on fait aussi quelque chose qui est un chantier énorme comme ce château, on apprend beaucoup de choses. C'est quand même malgré tout enrichissant pour soi-même. Et voilà, même si l'ampleur du travail est importante, on n'en reste quand même pas... voilà, ça reste pas inutile et au contraire, c'est une sorte d'enrichissement même pour l'humain. Und wenn man etwas tut, was seine Frau liebt und es versucht zu machen, dann wird man noch besser, wird man noch größer. Et puis quand on fait quelque chose et puis qu'on voit que ben son épouse éprouve tout autant de joie, eh bien on fait cette chose encore mieux. Et on apprend beaucoup de choses aussi, je suppose, quand on apprend beaucoup de choses en travaillant comme ça sur des projets aussi énormes. Sur vous-même, vous apprenez des choses. Ouais. Est-ce que je suis capable de ça? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas. C'est, on apprend des choses sur soi-même. Oui, c'est sur ça. Sur la capacité. Alors, je ne pense pas. Est-ce que c'est bien pour quelqu'un d'autre? Alors, c'est un peu... Le château est aussi un peu égoïste. Mmh. Je fais ça pour moi. Mmh. Pas pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Ça me plaît, alors je fais ça. C'est normal. Mmh. Ouais. Ça, c'est normal. Je trouve que être égoïste de ce qu'on aime, personnellement, je trouve pas ça étrange. Au contraire. D'accord. Mais c'est simplement une forme d'égoïsme. Exactement. Parce que, malgré tout, quand vous en avez envie, vous invitez vos amis. Vous faites profiter aussi d'autres gens à l'ambiance de ce château. Donc, en définitive, ce n'est pas vraiment de l'égoïsme. C'est aussi un moment de partage. Oui, c'est ça. On a tout dit? Non, ouais. Pas encore. Un moment de partage. Est-ce que vous avez justement des projets? Vous parliez d'un groupe de 50 personnes de la musique. Moi, il me vient tout de suite une chose en tête. Étant choriste, serait-il possible un jour que le chœur de la Villanelle se produise au château de Mussel? Oui, c'est une bonne idée. Justement, essayez de vous parler quand on s'est rencontré l'autre soir. Vous souhaiteriez créer une association. Oui. Vous avez déjà eu quelques, vous m'avez dit, hein, vous avez contacté la mairie, vous souhaitez créer une association qui pourrait ensuite accueillir à son tour d'autres associations. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou... Alors, c'est avec notre travail des années avec, en principe, une chose chaque année qu'on a fait, les expositions, les concerts, les pièces de théâtre... On a pensé que c'était une bonne idée de faire une association pour ouvrir plus le château autour du Bellegarde et aussi pour les autres. Ouais, ouais. Oder auch jungen Künstlern die Gelegenheit zu geben, über den Sommer zu arbeiten und das Licht zu genießen und vielleicht neue Ideen nach Belgrad zu bringen. Et donner la possibilité à de jeunes artistes de se mettre en lumière, de profiter de l'espace de ce château pour justement se faire connaître et voilà pouvoir ensuite développer leur talent. De plusieurs peintres au jardin qui essayent de s'inspirer du paysage de ce château, de la beauté de ce château. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que votre souhait, enfin ce que vous souhaiteriez, c'est d'ouvrir les portes du château, bon, aux peintres et tout et quanti, mais aussi aux groupes musicaux. Oui. Oui, parce qu'on a fait ça déjà plusieurs fois et on a l'impression qu'on a eu un joli acoustique dans le salle de garde et aussi dans la cour du château. Et mais je rêve d'avoir une pièce de théâtre parce que nous avons un joli balcon et l'idée de Roméo et Juliette ou quelque chose comme ça, ça veut être un peu... Il y a l'espace pour la pouvoir pour le public oui. Aussi peut-être il y a toujours le cinéma plein air oui aussi on peut faire ça aussi dans le château. Château oui ouais. Ou à Marche de Noël. Oui, de Noël. Ouais. Bien sûr, dans la cour du château, oui. Pourquoi pas. Vous êtes oui. vraiment prêt à ouvrir les portes oui, du ça. Château. Oui. Hein. Ça, c'est intéressant. Und wenn jemand helfen möchte zu bauen, Mauern zu demolieren oder voilà. zu errichten, jederzeit. S'il y a des âmes charitables et des personnes qui souhaiteraient vraiment les aider pour construire, mm-hmm. déconstruire certaines choses, vous êtes les bienvenus. On arrive au terme de cette émission. D'accord. Déjà, hein, ça va vite. Ouais, hein. Ça va plus vite, alors. On peut faire une deuxième. Mais il ne tient qu'à vous d'organiser des choses pour qu'on puisse, nous, après, oui. derrière, relayer. Okay. On reviendra, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Pas de problème. En tout cas, ce matin, on a accueilli non pas Doris et Andrea, mais une princesse et son prince charmant ingénieur. Et j'insiste bien là-dessus. Un moment superbe. Et puis à très très bientôt, on reviendra voir le château oui, de jour. Vous êtes bienvenue oui. toujours. C'est vraiment à découvrir et ça fait vraiment partie du patrimoine. C'est inouï ce qu'il y a dans ce château et ce qu'on a vu vraiment, c'est on tombe de très très haut. Hein, je est-ce trouve que. Est-ce que vos voisins connaissent un petit peu le château là? Non. Oui, je oui. sais. J'ai quelques-uns. Oui, parce que c'est Fredo, le voisin le plus proche qui regarde les chats si nous ne sommes pas là. D'accord, et je sais, il fait le petite balade autour du château. Il est très contente. Et aussi les autres qui sont autour de nous. On les regarde et je suis sûre qu'ils regardent aussi. Oui. En tout cas, le château, on le voit beaucoup mieux maintenant. Hein. Oui, ouais, parce que toutes les feuilles sont ouais, tombées, ouais, on peut ouais, voir ouais, vraiment ouais. bien. Mais même, je dirais, par rapport à oui, il y a, par rapport à nombreuses quel, années, a... vous avez fait, à peut-être, avec, vous avez vraiment élagué oui, sur le devant, on ne voyait bien. Pas aussi oui. bien le château, même l'été, avec les oui, feuilles, ouais, oui. on le discernait très mal. Oui. Ce qui n'est oui, plus oui, le cas maintenant, heureusement. Oui. Il trône sur le sommet de Bellegarde et c'est magnifique. Même depuis l'autoroute, on le voit c'est très vrai, bien. On le voit, oui, oui, on le voit de loin, le château de Bruxelles. Maintenant. Merci, bravo hein. en tout cas pour. Merci l'équipe des OGFM. Hein. C'est une très amicable samedi. Un bon moment. And now we need to. Jetzt müssen wir wieder arbeiten gehen. Et maintenant, on doit retourner au travail, dit Andreas. on va peut-être partager le verre de l'amitié avant de se sauver. Doris, merci. Andreas, merci beaucoup. Laurent, évidemment. Merci ta présence, et je tutoie pas toujours, mais ta présence était absolument indispensable. C'est normal. Tout comme la présence de Ludo à la technique. Qui, en je dois souligner que mon rôle était quand même, somme toute, peu important, parce que Doris et Andreas parlent vraiment bien le français. Je voulais le saluer, parce que ça prouve bien qu'ils se sont intégrés et vraiment qu'ils communiquent beaucoup avec le voisinage, avec les gens de Bellegarde, comme il l'expliquait tout au long de l'émission. Et vraiment, je voulais les féliciter par rapport à cela. Voilà. Doris, vous ne regrettez rien ? Non. C'est la chanson qu'on va écouter, oui. de la Môme Pieuf. Merci encore de votre présence ce matin. Cette émission sera rediffusée dimanche prochain, dans une semaine, à 11h. Voilà, je vous l'indique. À très très bientôt. Continuez, bon courage. Non. Merci encore. Merci à vous. Merci. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.